J'aime pas cet air supérieur. Je vois pas pourquoi tu le prends de travers. T'as raison, si c'est la vie que Malcolm a choisie, tant mieux. Tu crois qu'il est pas heureux comme ça? Oh, puis il y a 50 gars à Los Angeles qui jouent beaucoup mieux de la contrebasse que Malcolm. Il est pas assez bien alors? J'ai jamais dit ça. Pour toi, on peut pas être heureux en étant simplement prof. Tu le trouves pas assez bien parce qu'il est comme tout le monde, c'est ça? J'ai jamais dit ça, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Nous aussi, on est comme tout le monde maintenant. On a notre petite vie, comme tout le monde, avec notre petite maison. On a un travail normal et des enfants. Hop. Tu crois que ça m'amuse? Les réunions parents-prof, les barbecues entre voisins, les matchs de baseball le samedi matin? Je bosse chez un dentiste, Bobby. Arrête, j'ai passé une soirée très agréable, mais c'est tout. J'ai plus envie d'être pianiste. C'est fini, cette époque-là. Et ça n'a rien à voir avec nous et notre vie. Tu parles. T'es jamais là, tu pars sans arrêt, à droite, à gauche, je ne sais où. Et je me retrouve là, à jouer les femmes au foyer. Je fais de gros efforts, moi aussi. Je sais que non. Je suis pas idiote.